Pas bonjour. Bonjour pareil. Mettons bonjour pareil. Je vais parler de choses que j'avais décidé de ne pas aborder parce que je considère que ce n'est pas là de mes affaires. Puis aussi, là, bon. Pour toutes sortes de raisons, je considérais que c'est pas de mes affaires. J'ai pas à parler de ça, mais d'une certaine façon, je me sens obligé de le faire. Donc, je vais le faire. Dernièrement, quand j'ai fait un live dernièrement, puis il y a des gens qui sont venus me parler, c'est quoi les seuls? Seuls comme un anagramme, là, avec des points entre les lettres. Et finalement, j'étais perplexe, je sais pas. C'est tout simplement parce qu'il était question de choses que je connais sous d'autres formes. Au sens, le principe, si on peut dire, là, ben, je vais vous expliquer ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a M. Glenn qui distribue au compte-gouttes des extraits inédits de Bernard selon son agenda à lui de rencontre en 2000, dans pas long, là, dans quelques années. Puis selon son agenda, puis la façon dont il voit ça, lui, au compte-gouttes, il rend public des vidéos. Et puis, je suis tombé par hasard, je suis allé sur YouTube et par hasard, j'ai vu. Le monsieur qui fait un très gros travail là, de diffusion de Bernard, diffusion PDM internationale, il y avait un extrait de Bernard que j'ai vu tout de suite que c'était inédit vu la posture de l'image. Je peux voir quand ça a été fait et tout, mais c'était un extrait inédit. Et puis j'écoute ça et Bernard parle de ça. Les seuls. Là, dernièrement, là, par après, je me suis dit, ça, c'est certainement un extrait qui vient de chez Glenn. Étant donné que selon son agenda à lui, ben à lui, selon le travail qu'il fait pour un agenda, si on peut dire, peu importe, là, c'est pas important de définir ça, tant que c'est pas bon. Je me suis dit, c'est sûr que ça vient de chez Glenn, donc je suis allé faire un tour chez Glenn, puis j'y vais jamais. Monsieur Glenn, comme dans la dernière année, par exemple, Monsieur Glenn, lui, continue sur son. Dans ce qui. Sa, comment je pourrais appeler ça? Monsieur Glenn, qu'on le veuille ou pas, ça reste que c'est un des ouvriers du Nouvel Âge au Québec. Puis, dans la dernière année, j'avais vu que Monsieur Glenn, par exemple, s'était remis à republier certaines choses, puis même il comparait Bernard à David Koresh et Jim Jones, qu'il exposait comme des prophètes qui avaient vu venir des choses, des espèces de prophètes messianiques. Ça m'avait mis très en colère, je ne l'ai pas commenté parce que je considère que ce n'est pas de mes affaires. Mais David Koresh était un concierge qui a détourné un petit groupe de croyants au Texas, qui a finalement pris le contrôle d'un certain groupe, puis ça a donné la tragédie de Waco. Tragédie de Waco qui ressemble étrangement à une expérience pour voir comment les micro-sociétés peuvent ou non résister face à des instances étatiques de police un peu militaire au niveau là d'assaut de lieu. Puis David Koresh, il y a d'autres choses étranges par rapport à lui, puis ses propres enfants ont témoigné à quel point ce bonhomme-là était monstrueux. C'est un espèce de prédateur horrible. Puis, il a comparé aussi Bernard à Jim Jones. Jim Jones, qui était un communiste, un bonhomme d'extrême gauche, qui avait essayé de fusionner le socialisme avec le christianisme en tant que pasteur. Et il faisait des. C'est un être vraiment, moi, à mes yeux, monstrueux. Une espèce de possédé, un vrai malade. Puis ça a donné une des pires tueries sectaires que j'ai jamais eues en Guyane. Puis même s'il y a encore aujourd'hui des choses qui sont pas claires par rapport à ça, c'est réellement lui l'instigateur de ça. Et on peut se demander jusqu'où, à quel point aussi ce n'est pas, possiblement que c'est peut-être encore une fois quelqu'un qui a été manipulé, comme David Koresh, pour des raisons d'expérience, de faire une expérience par certaines instances. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez peut-être, il y a eu l'opération Paperclip et il y a des savants comportementalistes qui se sont mis à travailler pour la CIA et c'est depuis ce temps-là qu'il y a certaines choses étranges comme ça. Donc, dernièrement, je m'en vais chez Glenn que je n'écoute pas parce que il sort des choses qui me je le considère comme un ouvrier du nouvel âge, puis aussi de ce qu'on pourrait appeler de la spiritualité soucoupiste. Donc je me dis c'est pas de mes affaires, je m'en mêle pas, mais je vais voir quand même parce que je sais que l'extrait vient de là. C'est clair que c'est lui qui a mis ça, parce que comme je vous dis, au compte-gouttes, il sort des extraits selon son grand rendez-vous. Donc, je vais voir, et puis là, je vois je l'ai pas écouté la vidéo, mais je vois qu'il a publié une affaire sur les Templiers. Et dedans, il y a un extrait d'un bonhomme qu'il a connu, Luc Jouret. Luc Jouret, médecin homéopathe, homéopsychopathe, qui était le rabatteur d'une espèce de receleur en joaillerie mafieux qui s'appelait Joe DiMambro. Et là, on est vraiment dans les bas-fonds, là. Les bas-fonds. Il y a des hauts cadres d'Hydro-Québec. Il y a un haut cadre d'Hydro-Québec que lui et sa femme sont décédés par rapport à des magouilles liées à ces espèces de templiers de pacotille qui étaient l'OTS. Et il y a des millions encore aujourd'hui qui ont disparu. Puis finalement, en France, ça a fini, ça s'est continué par après, jusque dans le Vercors, il y a encore des choses qui sont pas claires. Qui ne sont pas claires. Et il nous met ça comme un templier des temps modernes. Luc Jouret. En plus, je remarque qu'il y a aussi un extrait de Jacques Languirand. Jacques Languirand, autre ouvrier du Nouvel Âge au Québec, qui a égaré le public pendant des décennies dans la recherche subjective du sens. Ce qui fait qu'au niveau de l'intellect, il y a une subjectivité qui était créée et engendrée là au point où il devenait impossible d'intégrer la nature des choses. Un réel esprit scientifique intégré la nature des choses. Ben non, toujours se perdre dans le mysticisme nouvel âgeux de la recherche du sens. Languirand qui est maintenant un homme de triste mémoire et j'ai pas à rappeler pourquoi. De toute façon, ce qui se ressemble se rassemble, semble-t-il. Donc là, j'ai compris d'où ça venait cet extrait-là. Et là, Bernard, dans cet extrait-là, parlait les seuls. Les seuls. Fait que là, j'écoute ça. Et là, ils se mettent à parler de quelque chose, là, ils se mettent à citer la Bible et là, ah, c'est de ça qu'il est question. Moi, ce que eux appellent par rapport là, à l'extrait de la Bible, par rapport à ça, au niveau de ce que j'en connais, c'est ce que dans certaines obédiences protestantes, on appelle l'enlèvement de l'Église. Mais Bernard est là à parler comme c'est une affaire là, du monde qui travaille sur les terres, puis là, ils vont être enlevés par un ovni. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, Bernard, qui est un homme très sensible, est entré par la porte du Nouvel Âge pour rejoindre un public au Québec et que parfois, je n'ai pas le choix de donner raison à Charles Sabourin, il s'ajustait trop au public. Et c'est là que je considère que c'est certain qu'il y a eu de la pollution qui a passé à travers Bernard, comme il en passe à travers tout le monde. Et là, j'écoutais ça, puis je me disais, c'est quoi ça? Puis là, l'affaire les seuls. C'est ce que certaines obédiences protestantes appellent l'enlèvement de l'Église, qui fait référence à certains extraits dans la Bible et les Évangiles qui est censé se produire avant ce qu'on appelle les tribulations. Si, pour employer un langage que tout le monde peut comprendre, les tribulations, c'est les événements de fin de cycle. Donc, il y a certains oints, si vous voulez, c'est-à-dire des gens marqués, qui sont censés, selon certains écrits et selon certaines interprétations, être retirés du plan matériel comme on le connaît et ne pas avoir à vivre ça. Une forme de transfiguration séraphique, l'enlèvement des corps, là. Mais là, allez mêler ça avec des enlèvements ufologiques, puis. Je regarde ça d'un œil dubitatif. Je sais que nous avons beaucoup parlé contre le doute, puis mais là, ça commence à être dans des eaux réellement boueuses. Et la vibration que Bernard avait au début quand il est entré par la porte de Glenn vers le public, vers le grand public au large, et ce que Bernard était à la fin, quand il parlait de psychologie évolutionnaire, moi je vois une grande marge. Et c'est là que je considère qu'il va falloir avoir beaucoup, beaucoup de discernement. De discernement. Et c'est là, jusqu'à un certain point, qu'il va y avoir un tri au niveau de ça, là, du discernement. Parce que quand je regarde ça, là, il y a certaines choses, ça sent comme d'où ça vient. Ça sent comme d'où ça vient. Puis, ça me fait pas vibrer, moi, leurs histoires de seuls. Puis aussi de ramener encore de la fascination pour les Templiers, qui sont, d'une certaine façon, les premiers banquiers d'Europe. La finance, si vous voulez. La finance, qu'est-ce qu'ils ont ramené du Moyen-Orient, les Templiers? Ben, possiblement des formules kabbalistiques liées. Vous savez, là, après tout suit la spéculation, la finance. Donc, à quoi a-t-on réellement affaire? À quoi a-t-on réellement affaire? Je pense que ça sert à rien, au niveau intellectuel même, de se pencher sur ces choses-là. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça me fait pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Puis, toutes ces vieilles réminiscences qui reviennent périodiquement et qui égarent beaucoup de gens. Et si vous regardez là, par rapport là, Luc Jouret puis Dimambro, là, de tout ce que la merde que ça a engendré, à quel point ces gens-là étaient parasités pour devenir paranoïaques comme ils étaient et de s'être mis dans une situation où finalement ils devenaient lucides d'être paranoïaques parce que semble-t-il, ils faisaient tout pour avoir des problèmes. Les histoires de micro-sociétés, comme il y a eu et il y a encore dans les Laurentides, toutes les maudites sectes, toutes les maudites. C'est mieux de pas trop. En passant, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires sur le dernier live, dit, oh, t'as pas d'émotions qui causent de brûlement d'estomac dans cette vidéo-là. C'est pas des émotions qui me causent des brûlements d'estomac. C'est lié à autre chose. Puis, que j'ai parlé pendant 2h40, c'est tout ce que t'as à dire. T'as pas d'autre chose de plus signifiant, de plus intéressant à me sortir que ça. À un moment donné, lâchez-moi, mon. Parce que ça me met une mauvaise humeur. Ça n'est pas causé par des émotions, mais ça va finir par m'en susciter si vous êtes superficiel de même. Parce que là, il y a des questions à se poser parce que je sens un danger. Danger. Bernard, il n'était pas parfait. Puis, il y a toutes sortes de. Vous savez, le monde, c'est le monde. Être dans le monde, c'est être dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de cochonneries. Il y a toutes sortes de forces. Puis, il n'y a personne qui est parfaitement exempt de manipulation. Donc, là, quand ça tombe dans des choses comme ça, l'affaire, là, les seuls, là, puis tout ça, là. Puis le grand monarque, puis les maîtres du monde. Puis c'est là où je considère qu'il faut en prendre, puis en laisser, puis même des fois peut-être en laisser pas mal. En laisser pas mal. Parce que au niveau individuel, j'ai jamais vu personne à qui ces choses-là avaient servi d'une façon réellement concrète. Dans le sens que ça engendre beaucoup de subjectivité. On est dans l'ordre de la spéculation, ça engendre des processus intellectuels de questionnement, de recherche du sens, comme M. Langirand, là, qui a toute sa vie été cherché dans des endroits où il n'y avait pas d'affaires, là. Hein? Qui n'est pas connu, triste mémoire pour rien. Parce que, à travers les âges, à travers les siècles, les êtres de même type ont les mêmes défauts. Et ça semble entre autres être lié à la génétique. Et si il doit y avoir ce qu'on pourrait dire des gens marqués ou comme on dit anciennement, des gens ouin, c'est lié possiblement à une génétique. Donc, aussi, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est réellement un bon discernement, qui reste droit dans ses bottes, sans vaciller ni d'un côté ni de l'autre, possiblement que ça influe. Son ADN, puis qu'il y a des choses liées par rapport aussi au taux vibratoire. Puis là, c'est pas au sens où les gens dans le nouvel âge l'entendent. Donc, moi, tout ce qui ces fricassés-là, si on peut dire, là, ces giplottes-là, ça m'indispose un peu. Ça me cause des brûlures, des brûlures Donc, par rapport à ça, là, tout ça, puis par rapport à l'agenda qui est suivi par certaines personnes qui sont des serviteurs et des ouvriers de force dont les rapports avec l'être humain sont ténus, de choses où il est extrêmement difficile au niveau d'un ego d'avoir un discernement clair. C'est là où je dis de faire attention, de faire très très attention, de comprendre qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, que nous n'avons pas à ramener de tristes mémoires, des gens de tristes mémoires nécessairement, surtout pas être fascinés par ça, au contraire. Donc, moi, là, de l'affaire, là, de nous ramener comme exemple, là, des monstres, puis des victimes de certaines forces au fond, comme David Koresh, Jim Jones, Luc Jouret, ou des déviants, comme Languirand. J'aime pas ça du tout. Mais c'est pas de mes affaires. Mais j'ai le droit de donner mon opinion. J'ai le droit de donner mon opinion, puis dire, il faut considérer au niveau d'un discernement individuel, que quand Bernard, il dit, croyez-moi pas, c'est à prendre au pied de la lettre. Il faut pas le croire. Il faut pas le croire. Surtout quand ça commence à avoir des... Parce que, vous savez, au début, le Bernard du début, là, avec Glenn, là, je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup. Il y a une vie, on voit que l'environnement puis l'ajustement à l'entourage venait, comment je pourrais dire ça? Créer, ça venait infuser quelque chose dans la parole. Au niveau de ce qui est. Ça, je le sais pour les lives. Quand je m'ajuste là, au live, que je m'ajuste à mesure aux gens, il va y avoir un ajustement au collectif et une infusion, dans le sens qu'il va y avoir un ajustement qui fait qu'il faut que je change de vibration. Donc, si à une certaine époque, parce que ça débutait, une certaine forme de lucidité puis de discernement, il fallait s'adapter à des gens très très magnétisés par certaines ambiances et certaines mémoires, c'est possible qu'on considère que Bernard était vraiment ajusté et là-dedans, dans le sens que ben, c'était pour ces gens-là qui aujourd'hui sont encore comme il y a 40 ans, dans les mêmes idées, les mêmes ambiances, puis qu'il n'y a rien de créatif. Il n'y a rien de créatif là-dedans. Vous savez, là, pourquoi est-ce qu'on a toujours dit que Satan, c'est un copieur? Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas créatif va reprendre. Ils ne peuvent pas amener rien de nouveau. Là, je ne suis pas en train de dire que les affaires de même, c'est ça. Pas ça, là. De pas non plus trop interpréter ce que je dis. Moi non plus, il faut pas me croire. Mais à mes yeux, c'est sûr que des affaires comme Jim Jones, puis David Koresh, puis Luc Jouret, c'est de l'hostie de marde. Quelle sorte de monde peut nous ramener ça encore? Ces choses-là de triste mémoire ont leur utilité au sens de ne pas répéter, que de faire attention. Donc, c'était juste ça. Et je pense qu'il va falloir être très, très, très prudent. Se fier au niveau individuel, à son propre discernement, à son propre ressenti, et se tenir très, très fort au petit peu de lumière qui nous reste. Dans le sens au niveau des égos. Puis de suivre une ligne qui est très très. C'est un peu comme marcher sur le fil d'un rasoir, là. Et plus les années avancent, plus le temps avance, plus ça va de plus en plus vite, plus ça me fait l'impression d'un mauvais film de série B, là. Le ridicule est souvent présent. Puis pas dans le sens de drôle. C'est dans le sens de grotesque. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.